Как выглядит идеальное утро? Чашка кофе с круассаном и свежие фрукты. Все это на террасе с видом на море. Позади пальмы, впереди приключения. Sous les sables du temps, nos semelles de plomb nous collent à la terre, retiennent nos prières. Dans nos manteaux troués, quand l'hiver est trop froid, on souffle sur nos doigts. Et quand le vent glacé siffle dans les platanes, il enchante nos âmes. Longtemps, longtemps, on a porté nos chimères, on a caressé des rêves d'une blancheur de cygne. Longtemps, longtemps, on a fait rouler nos pierres. À la cime, on s'est assis dans l'attente d'un signe. Dans l'attente d'un signe. Au son des tambourins, des flûtes et des guitares, autour d'un feu le soir. On vit en baladin, en saltimbanque joyeux, c'est si simple d'être heureux. Longtemps, longtemps, on a porté nos chimères, on a caressé les rêves d'une blancheur de cygne. Longtemps, longtemps, on a fait rouler nos pierres. À la cime, on s'est assis dans l'attente d'un signe. Dans l'attente d'un signe. Au diable ces faussaires dont les échines ploient face aux idoles de bois. Ils prennent de grands airs, drapés dans leur faux rôle, enflés de vaines paroles. Longtemps, longtemps, on a porté nos chimères, on a caressé des rêves, une blancheur de cygne. Longtemps, longtemps, on a fait rouler nos pierres. À la cime, on s'est assis dans l'attente d'un signe. Dans l'attente d'un signe. Subit le destin du poète exilé, d'un cœur désaccordé. De ta main, tes songes les plus clairs, laisse-les flotter dans l'air. Longtemps, longtemps, on a porté nos chimères, on a caressé des rêves d'une blancheur de cygne. Longtemps, longtemps, on a fait rouler nos pierres. À la cime, on s'est assis dans l'attente d'un signe. В моей стране никогда не бывает серо. моей стране дети смеются, и глаза полны мечтаний. В дыхании пассатов они начнут все заново. С новым лучом солнца жизнь уже не будет прежней. Я знаю, моя страна здесь, здесь моя жизнь. Тьерри Фольчи, дуэт Каури. Sur les chemins de la vie, j'ai fatigué mes souliers. À la croix du sud, j'ai dormi sans trop me préoccuper. Amoureux des soleils levants, des alizés flamboyants, j'ai bu le vin des matins frais, laissant mes pieds décider. Où est-ce que tu m'emmènes, toi le vent qui descend sur la plaine? Où est-ce que tu m'entraînes, vers des régions incertaines, incertaines? À bien des portes j'ai frappé, beaucoup sont restés fermés. Un jour la tienne s'est ouverte, la belle découverte. Ensemble nous prendrons la route, débarrassés de nos doutes, sans une fois se retourner, éblouis par nos pensées. Où est-ce que tu m'emmènes, toi le vent qui descend sur la plaine? Où est-ce que tu m'entraînes, vers des régions incertaines, incertaines? Peut-être qu'ils se rejoindront, lassés de tourner en rond. Ceux qui sentent confusément venir l'étendue changement, loin des capitales. Свободный человек, ты всегда бодрствуешь. Это стих Шарля Бодлера. Бодлер, чью поэзию они любят, прекрасно резонирует с человеческим и творческим путями, пройденными Тьерри Фольчи и Алекси Диавари. Их история – это история двух мужчин с восточного побережья Земли. Один из них из Вандимии, является потомком заключенного, а другой – из клана канаков. Он покинул остров ради морских приключений. В ожидании знамения слово «старейшин», не поддающееся классификации альбом, столь же разнообразный в своих вдохновениях, как и они сами, и страна, в которой они живут. Femme, jusqu'au fond de l'âme, tu es femme. Laisse-moi tomber sous ton charme, entoure-moi comme une liane. Femme, tu portes en toi un grand mystère, vieux comme le secret de la terre, tu unis le ciel et la mer. Femme, ô femme, tu as versé bien trop de larmes à cause de la folie des hommes. Femme, ô femme, toi seule peux ranimer la flamme, ouvrir les portes du royaume. Femme, on t'as chargé de tous les maux. Accablé de tous les fardeaux, tu as assez courbé le dos. Femme, il n'est pas loin ton jour de gloire. Ils iront les hommes au cœur noir, au fond des remous de l'histoire. Femme, ô femme, tu as versé bien trop de larmes à cause de la folie des hommes. Femme, ô femme, toi seule peux ranimer la flamme. Ouvrir les portes du royaume. Этот альбом «Маленькое сокровище», альбом «Вне времени». 11 песен, которые напоминают о Бразилии Жильберта Жиля, «Мутные воды Миссисипи», «Пульс Кингстауна» и о шелковистом, поэтичном французском шансоне. Но этот альбом – незабытая пластинка 60-х. Это проект очень современного и совершенно нетипичного дуэта двух музыкантов из Новой Каледонии. Entends-tu monter du fond des âges la parole d'or des hommes sages, des hommes sages. Du fond des âges. Sens-tu passer le souffle sacré sur ta peau un frisson d'éternité, d'éternité. Un souffle sacré. Mais ton cœur s'est fermé aux paroles des vieux et tes ailes brisées t'exilent loin des cieux. Ton cœur au vent qui vient de loin. Prends l'amour de ta mère aux brûlantes paupières. Ouvre ton âme au souffle des anciens. Prends l'amour de la terre par l'esprit de tes pères. De tes pères. Et l'ange, le diable et l'ange. De monde étrange. Ta mémoire est noyée dans le vin de l'oubli. Ton passé en fumée s'efface dans la nuit. Ouvre ton cœur au vent qui vient de loin. L'amour de ta mère aux brûlantes paupières. Ouvre ton âme au souffle des anciens. Pour l'amour de la terre par l'esprit de tes pères. De tes pères. Ta peau les prend en main. Adia. Dans la vallée remplie de lumière, sonne l'appel comme une prière, une prière. Remplie de lumière, tu frissonnes au son qui te réveille. Ton âme scintille comme un soleil, comme un soleil. Tu te réveilles. Qui s'embrasse d'une ferveur mystique, te plonger dans l'extase des époques magiques. Ouvre ton cœur au vent qui vient de loin. Prends l'amour de ta mère aux brûlantes paupières. Ouvre ton âme au souffle des anciens. Pour l'amour de la terre par l'esprit de tes pères. De tes pères. Haïmouni, Amlopa. T'es pas de Pambéni, Ndia. Un maître. Asi païra. Un ngani de ou. Topane. Famou mungé tabona. Horou. Mais mourouré. Pas de week-end. Oi. Tchoua. Tes pas de danse sur le sable. saisi ça. Au matin, on s'est dit adieu. C'est qu'il valait mieux laisser l'ancien bonheur s'enfuir en respirer le souvenir. Каори – тысячелетнее дерево, растущее в лесах Новой Каледонии. Прекрасная метафора для корней двух музыкантов, стремящихся распространить свои песни, ветви далеко за пределы острова. Кьери Фальчер, гитарист и композитор, пробужденный в подростковом возрасте аккордами Нила Янга, в которых главную роль играет человек. В этом альбоме он передает голосом солнечную энергию, силой и неторопливостью. Алексис Диаври, в свою очередь, вспоминает, что он серьезно пошатнул привычки племени кананков, в котором он вырос, когда он взял в руки гитару для того, чтобы исполнить регги с блюз и соул. Это было далеко от традиций музыки его народа. И только после плавания по Тихому океану в качестве моряка он, наконец, смог насладиться мечтой выразить себя через свою музыку. Je ne viens pas en ville mendiant pour quelques rondelles de fer blanc que ta splendeur baignera à jeter au fond de ma bourse trouée. Je n'entre pas couvert de guenilles comme un chien dans ton jeu de quilles pour marchander une maigre bol, me prosterner devant l'idole. Je suis un homme libre, mon seul maître le vent. Je ne pense qu'à vivre et oublier le temps. Si tu crois que par esprit de luc je vais faire le bon pour un susu, tu peux garder ton chèque. Tu peux garder ton chèque. Derrière tes poses contorsionnées tu joues mes scènes blasées. Au fond tu crains qu'un saltimbanque vienne écorner ton compte en banque. Je suis un homme libre, mon seul maître le vent. Je ne pense qu'à vivre et oublier le temps. Si tu crois que par esprit de luc je vais faire le bon pour un susu, tu peux garder ton chèque. Tu peux garder ton chèque. Et suis mon conseil salutaire. Éparpille au vent tes billets, retrouve ainsi ta liberté. Deviens un homme libre, n'obéis plus qu'au vent. Ne pense plus qu'à vivre et oublier le temps. Alors sans discours ni détour, à l'homme le troubadour, tu donneras ton chèque. Alors sans discours ni détour, à l'homme le troubadour, tu donneras ton chèque. Tu donneras ton chèque. qui dit oui, celle ou celui qui hésite, celle ou celui qui dit non lorsque les drapeaux s'agitent. Dans le concert des klaxons, le vacarme des slogans, on peut perdre la raison, courir après le vent. On a assez dit demain, c'est aujourd'hui ou jamais. Pour dépasser le passé, pour se prendre en main, se tendre la main, se tendre la main. On mange les gnames et le pain, on pousse dans la même terre, on mélange nos destins, qui donc veut porter la guerre. Déjà la natte se tisse, mêle en fibres et couleurs d'une destinée métisse qui dissipe les peurs. On a assez dit demain, c'est aujourd'hui ou jamais. Pour dépasser le passé, pour se prendre en main, se tendre la main, se tendre la main. Entends le vent de l'histoire, chasser les vieilles idées pour qu'enfin brille l'espoir. L'avenir est cet enfant qui chancelle sur le sable et qui appelle en rêvant une main secourable. On a assez dit demain, c'est aujourd'hui ou jamais. Pour dépasser le passé, pour se prendre en main, on a assez dit demain, c'est aujourd'hui ou jamais. Pour dépasser le passé, pour se prendre en main. Каури – это чудо гитарного творчества. Алексис Дьяври и Тьерри Фольчер играют тонкую смесь регги, блюза, рока, боссановы и французского шансона с текстами о свободе, толерантности, о человеческом достоинстве, одой жизни. Dans les éternel été. Un vol d'oiseaux blancs traverse le ciel de mes rêves, emporte au loin les tourments de la vie. уровень профессионализма дуэта Кари интригует. Эти 11 песен похожи на множество солнечных пляжей, где вы можете быть унесенный рябью океанских волн. Каури. В ожидании знамения. Слово старейшин. 16 августа 2024 года.